Chapitre 44e, où se poursuivent encore les événements inouïs de l'hôtellerie. Enfin, au cri perçant que jetait Don Quichotte, l'hôte, ouvrant à la hâte les portes de l'hôtellerie, sortit tout effaré pour voir qui criait de la sorte. Marie Thorne, que le même bruit avait éveillé, imaginant aussitôt ce que ce pouvait être, monta au grenier et détacha, sans que personne la vît, le licou qui soutenait Don Quichotte. Le chevalier tomba par terre à la vue de l'hôte et des voyageurs, qui, s'approchant de lui tous ensemble, lui demandèrent ce qu'il avait pour jeter de semblables cris. Don Quichotte, sans répondre un mot, sauta le cordeau du poignet, se releva, monta sur Rocinante, embrassa son écu, mit sa lance en arrêt, et s'étant éloigné pour prendre du champ, revint au petit galop en disant « Quiconque dira que j'étais à juste titre enchanté, pourvu que madame la princesse Micomicona m'en accorde la permission ?» Je lui donne un démenti, et je le défie en combat singulier. » Les nouveaux venus restèrent tout ébahis à ces paroles. Mais l'hôtelier les tira de cette surprise en leur disant qui était Don Quichotte, et qu'il ne fallait faire aucun cas de lui puisqu'il avait perdu le jugement. Ils demandèrent à l'hôtelier si par hasard il ne serait pas arrivé dans sa maison un jeune homme de 15 à 16 ans, vêtu en garçon muletier de telle taille et de tel visage, donnant enfin tout le signalement de l'amant de Doña Clara. L'hôtelier répondit qu'il y avait tant de monde dans l'hôtellerie qu'il n'avait pas pris garde au jeune homme qu'on le demandait. Mais l'un des cavaliers, ayant aperçu le carrosse de l'auditeur, s'écria « Il est ici, sans aucun doute, car voilà le carrosse qu'on dit qu'il l'accompagne. Qu'un de nous reste à la porte, et que les autres entrent pour le chercher. Encore sera-t-il bon qu'un de nous fasse aussi la ronde autour de l'hôtellerie, afin qu'il ne se sauve point par-dessus les murs de la cour. C'est ce qu'on va faire, répondit un des cavaliers. Et tandis que deux d'entre eux pénétraient dans la maison, un autre resta à la porte, et le dernier alla faire le tour de l'hôtellerie. L'hôtelier voyait tout cela sans pouvoir deviner à quel propos se prenaient ces mesures, bien qu'il crût que ces gens cherchaient le jeune homme dont il lui avait donné le signalement. Cependant le jour arrivait, et à sa venue, ainsi qu'au tapage qu'avait fait Don Quichotte, tout le monde s'était éveillé, surtout Doña Clara et Dorothée, qui l'une par l'émotion d'avoir son amant si près d'elle, l'autre par le désir de le voir, n'avait guère pu dormir de toute la nuit. Don Quichotte, voyant qu'aucun des voyageurs ne faisait cas de lui, et ne daignait seulement répondre à son défi, se sentait suffoqué de dépit et de rage. Et certes, s'il eût trouvé dans les règlements de sa chevalerie qu'un chevalier pût dûment entreprendre une autre entreprise, ayant donné sa parole et sa foi de ne se mêler d'aucune autre jusqu'à ce qu'il eût achevé celle qu'il avait promis de mettre à fin, il les aurait attaqués tous et les aurait bien fait répondre bon gré mal gré. Mais comme il lui semblait tout à fait inconvenant de se jeter dans une entreprise nouvelle avant d'avoir replacé Micomicona sur son trône, il lui fallut se taire et se tenir tranquille, attendant les bras croisés où aboutiraient les démarches de ses voyageurs. Un de ceux-ci trouva le jeune homme qu'il cherchait, dormant à côté d'un garçon de mule, et ne songeant guère, ni qu'on le cherchât, ni surtout qu'on dût le trouver. L'homme le secoua par le bras et lui dit « Assurément, seigneur Don Luis, l'habit que vous portez sied bien à qui vous êtes. Et le lit où je vous trouve ne répond pas moins aux petits soins délicats dans lesquels vous a élevé votre mère. » Le jeune homme frotta ses yeux endormis, et regardant avec attention celui qui le secouait, il reconnut aussitôt que c'était un domestique de son père. Cette vue le troubla de telle sorte qu'il ne put de quelque temps parvenir à répondre un mot. Le domestique continua. « Ce qui vous reste à faire, seigneur Don Luis, c'est de vous résigner patiemment et de reprendre le chemin de la maison. Si votre grâce ne veut pas que son père, mon seigneur, prenne celui de l'autre monde, car on ne peut attendre autre chose de la peine que lui cause votre absence. » « Mais comment mon père a-t-il su, interrompit Don Luis, que j'avais pris ce chemin et en cet équipage ?»« C'est un étudiant, répondit le valet, à qui vous avez confié votre dessein, qui a tout découvert, ému de pitié à la vue du chagrin que montra votre père quand il ne vous trouva plus. » Il dépêcha aussitôt 4 de ses domestiques à votre recherche, et nous pûmes, tous 4 ici, à votre service, plus content qu'on ne peut l'imaginer de la bonne œuvre que nous aurons faite en vous ramenant aux yeux qui vous aiment si tendrement. « Ce sera, répondit Don Luis, comme je voudrais ou comme m'en ordonnera le ciel. »« Que pouvez-vous vouloir ? Répliqua l'autre. ou que peut ordonner le ciel, si ce n'est de consentir à ce que vous reveniez. Toute autre chose est impossible. » Le garçon muletier, auprès duquel était couché Don Luis, avait entendu tout cet entretien, et s'est enlevé. Il alla dire ce qui se passait à Don Fernand, à Cardenio et aux autres qui venaient de s'habiller. Il leur conta comment cet homme appelait le jeune garçon par le titre de Don, comment il voulait le ramener à la maison de son père, et comment l'autre ne le voulait pas. À cette nouvelle, et sachant déjà du jeune homme ce qu'en annonçait la belle voix que le ciel lui avait donnée, ils eurent tous un grand désir de savoir plus en détail qui il était, et même de l'assister si on voulait lui faire quelque violence. Ils se dirigèrent donc du côté où il était encore parlant et disputant avec son domestique. En ce moment, Dorothée sortit de sa chambre et derrière elle, Doña Clara, toute troublée. Prenant à part Cardenio, Dorothée lui conta brièvement l'histoire du musicien et de Doña Clara. À son tour, Cardenio lui annonça l'arrivée des gens de son père qui venaient le chercher. Mais il ne dit pas cette nouvelle à voix si basse que Doña Clara ne put l'entendre, ce qui la mit terriblement hors d'elle-même, que si Dorothée ne l'eût soutenue, elle se laissait tomber à terre. Cardenio engagea Dorothée à la ramener dans sa chambre, ajoutant qu'il allait faire en sorte d'arranger tout cela, et les deux amis suivirent son conseil. Au même instant, les quatre cavaliers venus à la recherche de Don Luis étaient entrés dans l'hôtellerie, et le tenant au milieu d'eux, essayait de lui persuader de revenir sur le champ consoler son père. Il répondit qu'il ne pouvait en aucune façon suivre leur avis avant d'avoir terminé une affaire où il y allait de sa vie, de son honneur et de son âme. Les domestiques le pressèrent alors davantage, disant qu'il ne reviendrait pas sans lui et qu'il le ramènerait même contre son gré. « Vous ne me ramènerez que mort, » répliqua Don Luis. « Aussi bien, de quelque manière que vous m'emmeniez, ce sera toujours m'emmener sans vie. » Cependant, le bruit de la querelle avait attiré la plupart de ceux qui se trouvaient dans l'hôtellerie, notamment Cardenio, Don Fernand, ses compagnons, l'auditeur, le curé, le barbier et Don Quichotte, auxquels il avait semblé qu'il n'était pas nécessaire de garder plus longtemps le château. Cardenio, qui connaissait déjà l'histoire du garçon muletier, demanda à ceux qui voulaient l'entraîner par force quel motif ils avaient d'emmener ce jeune homme contre sa volonté. « Notre motif, répondit l'un des quatre, c'est de rendre la vie au père de ce gentilhomme, que son absence met en péril de la perdre. « Il est inutile, interrompit Don Luis, de rendre ici compte de mes affaires. Je suis libre et je m'en irai s'il me plaît. Sinon, aucun de vous ne me fera violence. « C'est la raison qui vous la fera, répondit l'homme, et si elle ne suffit point à votre grâce, elle nous suffira à nous, pour faire ce pourquoi nous sommes venus et à quoi nous sommes tenus. Sachons la chose à fond, dit en ce moment l'auditeur. Mais l'homme, qui le reconnut pour un voisin de sa maison, répondit aussitôt, « Est-ce que votre grâce, seigneur auditeur, ne reconnaît pas ce gentilhomme? C'est le fils de votre voisin qui s'est échappé de la maison de son père dans ce costume si peu convenable à sa naissance, comme votre grâce peut s'en assurer. » L'auditeur se mit alors à le considérer plus attentivement, et l'ayant reconnu, il le prit dans ses bras. « Quel enfantillage est-ce là, seigneur Don Luis ? » lui dit-il. « Ou quel motif si puissant vous ont fait partir de la sorte dans cet équipage qui sied si mal à votre qualité ?» Le jeune homme sentit les larmes lui venir aux yeux. Il ne put répondre un seul mot à l'auditeur, qui dit aux quatre domestiques de se calmer et qu'il arrangerait l'affaire. Puis, prenant Don Luis par la main, il le conduisit à part pour l'interroger sur son escapade. Tandis qu'il lui faisait cette question et d'autres encore, on entendit tout à coup de grands cris à la porte de l'hôtellerie. Voici qu'il en était la cause. Deux autres qui s'étaient hébergés cette nuit dans la maison, voyant que tout le monde était occupé à savoir ce que cherchaient les quatre cavaliers, avaient tenté de déguerpir sans payer ce qu'ils devaient. Mais l'hôtelier, qui était plus attentif à ses affaires qu'à celles d'autrui, les arrêta au seuil de la porte et leur demanda l'écho, en gourmandant leur malhonnête intention avec de telles paroles qu'il finit par les exciter à lui répondre avec les poings. Ils commencèrent donc à le gourmer de telle sorte que le pauvre hôtelier fut contraint de crier au secours. L'hôtesse et sa fille ne virent personne plus inoccupé et plus à portée de le secourir que Don Quichotte, auquel la fille de l'hôtesse accourut dire « Secourez vite, seigneur chevalier, par la vertu que Dieu vous a donnée, secourez vite, mon pauvre père, que deux méchants hommes sont à battre comme plâtre. » À cela, Don Quichotte répondit d'une voix lente et du plus grand sang-froid. « Votre pétition, belle damoiselle, ne peut être accueillie en ce moment. Je suis dans l'impossibilité de m'entremettre en aucune autre aventure jusqu'à ce que j'aie mis fin à celle où m'a engagé ma parole. Mais ce que je puis faire pour votre service, le voici. Courez, et dites à votre père qu'il se soutienne dans cette bataille le mieux qu'il pourra, et qu'il ne se laisse vaincre en aucune façon, tandis que j'irai demander à la princesse Micomicona la permission de le secourir en son angoisse. Si elle me la donne, soyez certaine que je saurai bien en tirer. « Ah, pécheresse que je suis !» s'écria Maritorn, qui se trouvait là. « Avant que votre grâce ait obtenu cette permission, mon maître sera dans l'autre monde. » « Eh bien, madame, reprit Don Quichotte, faites que j'obtienne ces permissions dont j'ai besoin. Dès que je l'aurai, il n'importera peu qu'il soit dans l'autre monde, car je l'en tirerai, en dépit de ce monde-ci. Qui voudrait y trouver à redire, ou du moins je tirerai telle vengeance de ceux qui l'y auront envoyé, que vous en serez plus que médiocrement satisfaite. » Et sans parler davantage, il alla se mettre à genoux devant Dorothée pour lui demander, avec des expressions chevaleresques et errantes, que sa grandeur daignât lui donner permission de courir et de secourir le châtelain de ce château qui se trouvait en une grave extrémité. La princesse la lui donna de bon cœur et aussitôt, embrassant son écu et mettant l'épée à la main, il accourut à la porte de l'hôtellerie où les deux hôtes étaient encore à malmener l'hôtelier. Mais dès qu'il arriva, il s'arrêta tout court et se tint immobile, malgré les reproches de Maritorn et de l'hôtesse qui lui demandaient ce qu'il retenait en place au lieu de secourir leur maître et mari. « Ce qui me retient, répondit Don Quichotte, c'est qu'il ne m'est pas permis de mettre l'épée à la main contre les gens de bas étage. Mais appelez mon écuyer Sancho, c'est lui qui regarde cette défense et cette vengeance. » Voilà ce qui se passait à la porte de l'hôtellerie où roulaient les coups de poing et les gourmades, le tout au préjudice de l'hôtelier et à la rage de Maritorn, de l'hôtesse et de sa fille, qui se désespéraient de la lâcheté de Don Quichotte et du mauvais quart d'heure que passaient leurs maîtres, père et mari. Mais laissons-le en cet état, car sans doute quelqu'un viendra le secourir. Sinon, tant pis pour celui qui se hasarde à plus que ses forces ne promettent, qu'il souffre et ne dise mot. Revenons maintenant à 50 pas en arrière, voir ce que Don Luis répondit à l'auditeur que nous avons laissé l'ayant pris part pour lui demander la cause de son voyage à pied et dans un civil équipage. Le jeune homme, lui saisissant les mains avec force, comme si quelque grande affliction lui eût serré le cœur, et versant un torrent de larmes, lui répondit « Je ne sais, monseigneur, vous dire autre chose, si ce n'est que le jour où le ciel a voulu, et où notre voisinage a permis que je visse Donia Clara, votre fille et madame, dès cet instant je l'ai faite maîtresse de ma volonté. Et si la vôtre, mon véritable seigneur et père, n'y met obstacle, aujourd'hui même, elle sera mon épouse. C'est pour elle que j'ai abandonné la maison de mon père, pour elle que j'ai pris ce costume, afin de la suivre partout où elle irait, comme la flèche suit le but, et le marinier l'étoile polaire. Elle ne sait de mes désirs rien de plus que non plus lui en faire entendre les pleurs qu'elle a vus de loin couler de mes yeux. Vous connaissez déjà, seigneur, la fortune et la noblesse de mes parents. Vous savez que je suis leur unique héritier. Si ces avantages vous semblent suffisants pour que vous vous hasardiez à me rendre complètement heureux, agréez-moi dès maintenant pour votre fils. Que si mon père, occupé d'autres vues personnelles, n'était point satisfait du bien que j'ai su trouver pour moi, le temps n'a pas moins de force pour changer les volontés humaines que les choses de ce monde. » À ces mots, l'amoureux jeune homme cessa de parler, et l'auditeur demeura non moins surpris de la manière délicate et touchante dont il lui avait découvert ses pensées qu'indécis sur le parti qu'il devait prendre dans une affaire si soudaine et si grave. Tout ce qu'il put lui répondre, ce fut qu'il se calma pour le moment et qu'il obtint que ses domestiques ne l'emmenassent pas ce jour même, afin d'avoir le temps de considérer ce qui conviendrait mieux à chacun. Don Luis voulut par force lui baiser les mains, et même les baigna de ses larmes, chose qui aurait attendri un cœur de pierre, et non pas seulement celui de l'auditeur, qui, en homme habile, avait vu du premier coup d'œil combien ce mariage était avantageux à sa fille. Toutefois, il aurait voulu, si c'eût été possible, l'effectuer avec le consentement du père de Don Luis, qu'il savait prétendre à faire de son fils un seigneur titré. En ce moment, les autres querelleurs avaient fait la paix avec l'hôtelier, après avoir consenti, plutôt par la persuasion et les bons propos de Don Quichotte que par ses menaces, à lui payer ce qu'il demandait. D'un autre côté, les domestiques de Don Luis attendaient patiemment la fin de son entretien avec l'auditeur et la résolution de leur maître, quand le diable, qui ne dort jamais, fit entrer à cette heure même dans l'hôtellerie le barbier auquel Don Quichotte avait enlevé l'armée de Membrin et Sancho Panza les harnais de son âne pour les troquer contre ceux du sien. Ce barbier, menant son âne à l'écurie, vit Sancho qui raccommodait je ne sais quoi de son bas. Dès qu'il vit ce bas, il le reconnut, et prenant bravement Sancho par le collet, lui dit « Ah, Don Larron, je vous tiens ici. Rendez-moi vite mon plat à barbe, et mon bas, et tous les harnais que vous m'avez volés. » Sancho, qui se vit prendre à la gorge si à l'improviste, et qui entendit les injures qu'on lui disait, saisit le bas d'une main et de l'autre donna une telle gourmade au barbier qu'il lui mit les mâchoires en sang. Mais néanmoins le barbier ne lâchait pas prise et tenait bon son bas. Au contraire, il éleva la voix de telle sorte que tous les gens de l'hôtellerie accoururent au bruit et à la bataille. « Au nom du roi et de la justice » criait-il, « parce que je reprends mon bien, il va me tuer, ce larron, voleur de grand chemin. »« Tu en as menti !» répondit Sancho. « Je ne suis pas voleur de grand chemin, et c'est de bonne guerre que mon seigneur Don Quichotte a gagné ses dépouilles. » Celui-ci, qui était promptement accouru, se trouvait déjà présent à la querelle, enchanté de voir avec quelle vigueur son écuyer prenait la défensive et l'offensive. Il le tint même désormais pour homme de cœur, et se proposa, dans le fond de son âme, de l'armer chevalier à la première occasion qui s'offrirait, pensant que l'ordre de chevalerie serait fort bien placé sur sa tête. Parmi toutes les choses que le barbier débitait dans le courant de la dispute, il vint à dire « Ce bas est à moi, comme la mort que je dois à Dieu, et je le connais comme si je l'avais mis au monde. Et voilà mon âne, qui est dans l'étable, qui ne me laissera pas mentir, sinon qu'on lui laisse le bas, et s'il ne lui va pas comme un gant, je passerai pour infâme. Et il y a plus, c'est que le même jour qu'ils me l'ont pris, ils m'ont enlevé aussi un plat à barbe de rosette, tout neuf, qui n'avait pas encore été traîné de sa vie, et qui m'avait coûté un bel et bon écu. » En cet endroit, Don Quichotte ne put se retenir. Il se mit entre les deux combattants, les sépara, et déposant le bas par terre pour que tout le monde le vît jusqu'à ce que la vérité fût reconnue, il s'écria « Vos grâces vont voir clairement et manifestement l'erreur où est ce bon écuyer, quand il appelle plat à barbe ce qui fut, est et sera l'armée de Membrun, que je lui ai enlevé de bonne guerre, et dont je me suis rendu maître en tout bien tout honneur. Quant au bas, je ne m'en mêle point. Et tout ce que je peux dire, c'est que mon écuyer Sancho me demanda permission pour ôter les harnachements du cheval de ce poltron vaincu, et pour emparer le sien. Je lui donnai la permission, il prit les harnais, et de ce que la selle s'est changée en bas, je ne puis donner d'autre raison que l'ordinaire, c'est-à-dire que ces métamorphoses se voient dans les événements de la chevalerie. Pour preuve et confirmation de ce que j'avance, cours vite, mon fils Sancho, apporte ici l'armée que ce brave homme dit être un plat à barbe. Par Dieu, Seigneur, répliqua Sancho, si nous n'avons pas d'autre preuve à faire valoir pour nous justifier que celle qu'offre votre grâce, nous voilà frais. Aussi plat à barbe est l'armée de Membrun que la selle de ce bonhomme est bas. Fais ce que je te commande, reprit Don Quichotte. Peut-être que toutes les choses qui arrivent en ce château ne doivent pas se passer par voie d'enchantement. Sancho alla chercher le plat à barbe, l'apporta, et dès que Don Quichotte le lui prit des mains, il s'écria « Regardez un peu, Seigneur, de quel front cet écuyer pourra-t-il dire que ceci est un plat à barbe et non l'armée que j'ai nommée? Et je jure, par ordre de chevalerie dont je fais profession, que cette armée est telle que je l'ai prise, sans en avoir ôté, sans y avoir ajouté la moindre chose. » En cela, interrompit Sancho, il n'y a pas le plus petit doute, car depuis que mon Seigneur l'a gagné jusqu'à cette heure, il n'a livré avec lui qu'une seule bataille, lorsqu'il délivra ses malheureux enchaînés. Et ma foi, sans l'assistance de ce plat armé, il aurait passé un mauvais moment, car dans cette mêlée, les pierres pleuvaient à verse.